game, il me brûle un feu caché. Chaque pixel devient péché. Mon regard glisse ardent léger. Chaque souffle me fait trembler. Riders qui murmurent dans vos veines. Sa voix gratise aux chaînes. Il tend le feu, il quitte vos corps. Chaque désir s'élève plus fort. Feel the fire, taste the flame. me perds.